Quand plusieurs signalisations sont mises en place au même endroit, il faut lire la définition de chaque panneau de manière séparée. Ici, il est interdit de circuler à plus de 90 km/h, et je roule à 90, c'est bien. Ce panneau veut dire qu'il est interdit de dépasser tous les autres usagers à moteur, sauf les deux roues. Donc, interdiction de dépasser dans les deux cas. Si le véhicule devant roule à moins de 90, il ne me reste qu'à ralentir.